Lundi à Assemblage Requis. Martin Bertrand nous raconte son voyage à Paris, dont c'est plutôt Paris Hilton à analyser dans sa petite mythologie. Et Mathieu, le top modèle de l'information technologique, nous présente comme d'habitude sa chronique CNX. C'est à Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis, l'émission la plus sexy du retour, lundi 15h.